Allons, allons. Ne te plains pas. Tes parents croient que tu préfères être seul. Et ils ont peut-être raison. Oui, mais c'est une question de principe. Je suis navrée. Au fait, pourquoi est-ce que tu me téléphones? Maman m'a demandé d'acheter des fleurs pour une vieille amie à elle. Alors je voulais te demander où aller. Chez un fleuriste, tiens. Mais ta mère ne peut pas y aller elle-même? Non. Une fois de plus, elle est en train de faire des achats. L'ennui, c'est que je n'y connais rien en fleurs. Qu'est-ce que je vais acheter? Des roses? Du lilas? Du muguet? Achète des roses. C'est la saison. Elles ne valent pas cher en ce moment. Et puis papa me demande de faire les démarches nécessaires pour louer une voiture. Tu es trop jeune. C'est à ton père de faire ça. Il me demande aussi d'envoyer un télégramme au Canada. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai jamais envoyé de télégramme de ma vie.